marketplace. No time to feel alone, he's been gone so long. Can't remember his face. Bonsoir, Bruno Corbin au micro de retour, suite à L'Homme qui vibre. Ce soir, en manchette, des nouvelles de Chandler en Arizona. Oui, oui, il y en a deux nouvelles de Chandler en Arizona. Et ainsi que je vais vous annoncer quelque chose, le gagnant des plus grosses testicules à gagner, c'est un criquet, mesdames et messieurs, un criquet. Vous écoutez 70%. La foire de l'absurde 2.1 arrive à grands pas. Malade! Avec des prestations de Digit Missile Command, Clochard et le légendaire Meux. La foire de l'absurde, c'était dans la Bible. Sans face! Avec projection de Special Sex 2, la vengeance des phallus. Garantie sans terroriste. Achetez des cossins à l'encan douteux animé par DJ George de Radio Cochonnerie avec comme house band Les Sprats. Watch ses fesses. Sans oublier le super méga cochonnerie extravaganza dance party. Oui. La foire de l'absurde! Ninja! Manquez pas le cosmique Téléthon de la deuxième chance avec Alex et Arnold, Danny Daniel Gabriel, Julien Bernacci, Le Monde dans le Feu, lecture de l'autobiographie de Normand Lamour, Simon Predge, un lutteur, Dominique Roxicchini, Pelep Pelep Pelep, un magicien et plusieurs autres! Houseband assuré par la Lima et animé par Damien Blas Bouchard. Viens en pas! La foire de l'absurde! Explose! Avec des projections de films douteux dont Roboflick 1 et 2, Sexterminateur de la 3000, L'Arme absolue de... La troupe crème brûlée qui nous présente Cindy. Bacon! Sans oublier des jeux vidéo, un petit vieux qui danse, panel de discussion sur le cinéma, un quiz sur le cinéma, encore un petit vieux qui danse, un jeu d'opération, mais les potes, les mamelons de danse de Dragon Wilson, du superflu! La définition! Brutez livre! La foire de l'absurde du 19 au 22 novembre, dès 16h, gratis, au Brouba Brouha, 5860 de Lormier, coin des carrières. Bien! Live tout le week-end sur Internet. Des flocons! La foire de l'absurde 2.org. Si t'es pas là, tu vas être absent. Battre votre sabre comment? Tantôt, je me suis levé, puis je me suis dit qu'il manquait de Chopin dans ma vie. Puis moi, Chopin, puis Schubert, c'est mes deux préférés. Fait que là, j'ai downloadé du Chopin, puis du Schubert. J'ai tapé Chopin, torrent. Là, j'en avais des heures et des heures. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai ça. J'ai même divisé en majeur et en mineur dans mon... comme ça, quand je suis triste, j'écoute du Chopin mineur. Puis quand je suis content, j'écoute du Chopin majeur. Qu'est-ce que tu as des diminués? Là, c'est un folder de Nocturne qu'on a là. Attends un peu, toi, Prêt, excuse-moi. Hein. Tiens, contre-attaque, voir. Ah. Bonsoir, bienvenue voilà, à l'émission Spiritualité Radiophonique. Ce soir, on reçoit des esprits. Des esprits, oui. Parlant d'esprits, comment va le tien, Israël Trudel-Denis? Ah, ça va très bien, très bien. Cette semaine, je vous amène dans l'univers fantastique de mon adolescence. On retourne aux chroniques de cœur, mais pas fantastique. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais en fait, je me suis dit que étirer les sauces puis mélanger les plaisirs, ça peut juste être le fun. Fait que mon dossier, une prochaine fois. Fait que c'est comme si, mettons, à chaque semaine, on savait pas trop si on était pour aller fantastique ou dans le passé. Ou dans le genre, t'es ma full best. OK. Ben, c'est cool, ça. Bon, ouais, ça a bien de l'allure. Bruno, on est déjà passé par là. Prêt, on sait que t'es là. Moi, je suis là, là. Toi, Étienne Duforêt. Un thème aujourd'hui? Oui, ben, c'est thème disques qui seront vendus à l'encan du 20 novembre. Oh, yeah. Bibi la crème encore? Ben, je les ferai pas jouer, Bibi la crème, là, mais c'est des, d'autres visuel. Affaires. Ouais, d'autres c'est... affaires. Ben, il y a du visuel aussi quand même, mais les pochettes viennent d'arriver sur le Facebook de 70%. On est là. Fait qu'allez voir. Ah, va donc voir si on a de quoi sur Gmail. Oui, je suis allé voir, puis on avait une toune de Danny Daniel Gabriel. Sur 70%, oui. Oui, 70% à gmail.com. Rappelons que vous pouvez nous écrire là, 70 POUR 100. On va lire vos courriers pendant l'émission. Ouais. Ça veut dire que Danny avait comme planifié qu'on était pour l'ouvrir live en studio. Ben, en fait, je crois qu'il avait juste pas pris de chance. Il l'a également envoyé à mon adresse, à la tienne, Tommy, puis à la tienne. Oh boy, ça veut dire... Il est maléfique. Il voulait être sûr qu'on l'ait, puis on l'a eu, ça marchait. Et voilà, c'est fait. Ben, merci, Danny. On va faire jouer ça sûrement à la fin de l'émission encore, parce que le film de ce soir, c'est Godzilla contre Mégalon. Ce n'est pas un pénis, mais une coquerelle. Et voilà. Et puis, ben, j'ai pas beaucoup d'extraits audio de ça. Là. J'ai réussi à jongler des affaires là, parce qu'à base, méga long, ça se voulait quand même quelque chose qui était une coquerelle. Puis d'écouter la coquerelle qui se bat contre Godzilla qui ne connaît qu'un seul bruit. Ouais. C'est ce bruit-là. Moi, je vote que c'est quelqu'un d'autre que vous autres qui le fait le mieux. On était vraiment pas loin, par exemple. Oui, ouais, c'est sûr. Mais en fait, les trois ensemble avec un peu de reverb, là, c'est pareil. C'est ça. On vous laisse vous imaginer le cri de Godzilla, mais c'est pas vrai parce qu'en fait, j'en ai trouvé deux, trois versions différentes. Fait que on va pouvoir tester tantôt. Il y en a même une dans Drawn Together à un moment donné. Là, on continue une conversation. On continue la chronique Sound Effect, finalement. Oui, à peu près. Ouais, de l'Halloween. Mais sinon, commencer ça solide. Je sais pas si vous connaissez Jean-Louis Foulquier. Non. Non, si DJ George connaît pas. C'est pas le gars, là, le grand, là, on ignore complètement l'existence. Non, ben, jusque-là, tu ignorais l'existence. Justement, il disait rien. Là. On va commencer. Ça, c'est une toune qui a vraiment frappé mon enfance. J'étais à peu près en secondaire, je te dirais 4. Là, j'entends ça. Tu sais, le rap, ça commençait dans ce temps-là. Le hip-hop, on connaissait pas ça encore. Là. On savait pas. Ben, d'ailleurs, je comprends pas encore c'est quoi la différence entre les deux, là. Mais le rap, là, c'était naissant, là. Je te parle 92-93. Fait que là, Jean-Louis Foulquier, là, lui, il a vu quand même qu'il y avait un potentiel là-dedans. Fait que c'est dit, c'est pas parce que je suis un vieux crooner français à la Tony Bennett, là, qui a 60 ans, que je peux pas faire ça, moi aussi, du rap. Bon, non, au frère au Québec aussi qui t'a dit ça, hein? Ouais. Ouais, on le nommera pas parce qu'il aimerait ça, mais. C'est qui? Ben, voyons. T'es-tu sérieux, là? Ben, je vois pas. Ah, OK, ouais, Daniel, ouais, c'est, excuse. Le bas d'épinette, là. Ouais, non, moi, j'avais en tête Brine LeBeuf. Ah, le pape du rap, moi, je pense. Ah, il y a le pape du rap, ben, Brine LeBeuf, ben oui, il faisait pas. Pourquoi ça fait mal de dire Brine LeBeuf? Brine LeBeuf? Ben, c'est parce que ça s'est dit beaucoup trop à travers les années, Brine LeBeuf. Il est-tu à l'échelle du gars des Ramones, là, quand que D.D. King a fait son disque de rap aussi? Ça commence fort, le 70%. À soir, il y a Chopin en background pendant encore un petit instant, là. Il n'y a pas Claude Dubois aussi qui avait sorti un album de reggae parce que ça s'en venait hot, là. Après ça, ça va être Jean-Louis Foulquier. Il n'y a pas Céline Dion, là, qui nous faisait croire qu'elle savait chanter, là, parce que c'était hot de chanter, là. À 70%. Il y a un MySpace, Jean-Louis Foulquier. C'est lui, là. Plein d'informations. C'est quoi ton petit nom? Ici Danny Daniel Gabriel, vous êtes dans l'univers innovateur de 70% à Choc FM. Alors ici Samy Duval, bonsoir. Vous écoutez présentement 70% à Choc FM, une émission où les animateurs n'utilisent que 30% de leur capacité. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Coquerel, excrément, cocktail de pisse pis de sperme. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Elle était bonne, hein? Tu voulais écouter? Ouais, ouais, j'ai bien aimé ça. On y va avec une bonne nouvelle ici qui va vraiment servir à rien à personne. Janice Pinnell, une marieuse de New York, affirme qu'un délai de 25 minutes causé par une panne d'ascenseur dans son bloc appartement lui a fait perdre 10 000 $ la minute. La femme avait un rendez-vous avec un milliardaire d'Oklahoma qui était prêt à lui payer 250 000 $ seulement pour la rencontrer et un demi-million si elle lui trouvait une femme convenable. Ce matin-là, au lieu de rencontrer son milliardaire à son power déjeuner et de manger des omelettes à 30 $ et des plats de fruits à 25, elle a fait les 100 pas dans l'ascenseur jusqu'à ce qu'il reparte. elle a ensuite tenté de rejoindre son client qui s'était impatienté et qui s'était poussé. En plus de ça, la pauvre est claustrophobe. Ah, ben. Ah, pas pour ajouter. Ouais. Elle a noté ça en dernier. Tu oui. remarques la détresse psychologique. Ouais. Ah ouais. Ça me coûtait de l'argent d'être claustrophobe. Je n'étais plus capable de respirer. Spinel, qui est payé entre 50 000 et 500 000 $ par client, veut que le propriétaire brise son bail et paye ses frais de déménagement. S'il refuse, elle le poursuivra pour l'argent qu'elle a perdu. Le propriétaire affirme qu'il offre un service 24 heures pour ses ascenseurs et que tout problème est réglé immédiatement. C'est du chantage, elle veut se libérer de son bail et je ne plierai pas au chantage, a-t-il affirmé. D'autres locataires sont sympathiques à la cause de Spinel. Les gens sont coincés une fois par semaine, a dit Gloria Adler, 70 ans. Ouais, monsieur, Gloria. C'est seulement les cas dont j'entends parler. Ouais, mais attends. Puis tu sais, elle le sait, là, parce que tu sais. Ouais, elle a 70 ans, puis elle a rien d'autre à faire que d'entendre parler de ses affaires-là. Ouais, mais Gloria, c'est parce qu'elle s'endort tout le temps dans l'ascenseur. Ouais. Fait que tu vas nous amener un update, Bruno, c'est ça? Oui, oui, oui, oui, sûrement. Ça, c'était pas en Arizona, ça? Non, c'était à New York, ça. New York. Non, inquiète-toi pas, mon bloc Chandler, Arizona, il est prêt, là. Il est prêt. Il est pour là, plus là. Tard dans l'émission. T'en as-tu une autre, là? Ouais, je vais t'en donner un autre tout de suite, si tu veux. Grosse nouvelle! Ouais, hein? Mais là, ça fait un milliardaire dans le monde qui a peut-être pas de chaleur lui-même! Ouais, c'est ça. Probablement pas. Alors, il y a 5 ans, le United States Marshal Service a entamé le programme Fugitive Safe Surrender qui permet aux gens recherchés pour des crimes non violents de se rendre en échange de traitements favorables, ce qui leur permet habituellement d'éviter la prison. Le week-end dernier, un de ces programmes dans le comté de Franklin au New Jersey a été un des plus fructueux avec 3901 personnes ayant décidé de se rendre sur une période de 4 jours. Tellement de gens que 550 de ces personnes n'étaient même pas recherchées. Pour certaines personnes, affirme Neil Buccino, porte-parole du comité, ça semble être un moyen de vérifier s'il y a un mandat d'arrestation à leur nom ou simplement qu'ils ont oublié que leur affaire est classée ou ben je suppose qu'ils ont oublié qu'ils se sont pas fait pogner. Ouais, que c'est pas de l'info. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Merci Bruno. Merci Bruno. Encore des grands faits de la grande humanité. Toujours à chaque semaine. Israël, tu nous as chargé ton passé. Ouais, ouais. Fait que je voulais. La machine à café est prête. Réveille-nous-le. Et voilà. J'ai deux courtes lettres que je vais vous lire à l'instant. Il y en a une qui est écrite très mal. Je vais la montrer aux amis ici. Mais calice, ouais, c'est wow, ça. Ouais. C'est comme quasiment. C'est de l'elfique. En fait, c'est ça. C'est écrit elfique. C'est du langage de IAM, le groupe de rap. Ah, oh. C'est de l'elfique. C'est de l'elfique. Ça va comme ça. Va comme Chris ça. Bruno, ça te fait bien la grippe. Ça va comme suit, au-delà des plaines du Morgord. Salut Zah. Comment ça file? Moi bien. Je suis en écofemme puis c'est plate. Big news. Je viens de finir ma pochette puis j'ai hâte d'aller écouter Nothing Else Matter à midi. C'est la toune de Metallica. Nothing else matters. Stéphane, c'est un gros con, puis j'ai vu mon autre kick hier à mon concert. Okay, puis c'est plate que j'aille dégueuler toute la fin de semaine. En tout cas, salut Annie. Et voilà, vous l'avez entendu à 70%. Son Stéphane, c'est un gros con, puis son autre kick. Qui a le, ça calait le kick sur un gros puis con. C'est puis plate quelqu'un, qu'elle a dégueulé toute la fin de semaine. C'est vraiment plate pour elle. Je m'excuse, Annie. Ouais, c'est vrai. T'en as-tu une autre? J'ai une autre courte de Blink 182. Elle m'en écrit tout le temps des beaux bijoux. Oui. Salut, tu sais qui? T'es ben smart de vouloir faire mes dessins. J'ai bien gros out. Ah oui, oui, attends, on se rappelle là, qu'elle avait demandé des dessins. Un Magic Mushroom, puis le logo de mon Ben, puis de Tête de mort. Ouais, c'était ça, on s'en rappelle. J'ai bien smart de vouloir faire mes dessins. J'ai bien gros out de les avoir. Là, je suis en train d'écouter ma tune préférée de Our Lady Peace. Hein, on salue notre habibé. C'est 4 AM. 4 AM, puis c'est écrit F-O-R-A-M. Ok, pour, c'est pour Amélie. Pour Amélie Mignot, ouais. C'est ça. Fuck, je sais plus quoi te dire. Déjà. Bon, ben. Ça pose vite. Bon, ben, d'abord, on va dire des conneries. Ah, non. Bonjour, il est 6h45 du matin. Je me suis levé de bonne heure pour finir ta lettre. Hier, j'avais vraiment rien à dire dans le début de ma lettre. Je suis encore en train d'écouter 4 AM. De toute façon, je peux plus te la donner, la cassette de Passepartout, parce que je l'ai perdue dans ma chambre. Puis quand je perds quelque chose dans ma chambre, ben c'est dur à trouver. Il faut falloir que j'aille faire le ménage de ma chambre tantôt, sinon je peux pas venir à la danse puis je veux y aller. Dans le sous-sol d'église, ça, quoi? Non, ça, c'était à l'école, à chaque semaine. Peut-être trouver la cassette, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Il y a de l'espoir, quand même. Il y a de l'espoir, parce que moi, je la voulais, la cassette de Passepartout, mais je ne l'ai jamais eue, soit dit en passant. Alors, c'est bon, l'écoute. Ben, m'a te laissé, fac bye, Blink, on est du tout, extra caramel, écris-moi ben vite, petit bonhomme. Hey, hein, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Pour que la discussion se poursuive. Hey, suivez le téléroman d'Israël chaque semaine. Merci Israël. À tantôt, je vais vous en lire une. Parlant de lettres, on en a reçu une par la malle chez nous, là, par la poste. Ben oui. Vous voyez, c'est écrit en rouge, il est écrit à ouvrir avant le 25 décembre pour cuisiner un joyeux temps des fêtes. Puis il y a vraiment, on sait pas ça vient d'où, tu sais. Puis là, ben dessus, là, tu te dis, il y a un petit carré comme en bas à droite. Puis là, t'approches, puis t'écris « Fait à partir de papier responsable ». Fait que là, t'apprends rien, tu sais. Papier responsable. Fait que là, on l'ouvre, OK? On l'ouvre. C'est une lettre qu'on est avant le 25 décembre aujourd'hui. C'est ça. On est dans le temps qu'il faut. Dépêche-toi avant qu'on soit après. Ils n'ont pas écrit avant lequel. Lettre. À l'intérieur, j'ai plein de petits papiers. Puis vous voyez, il y a plein de belles photos. Ah, bon. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être du bouillon puis des bûches de Noël. Ah, c'est des recettes? Attends un peu. J'ai une lettre qui vient avec ça. Oh, hey, lis ça. Je te mets de la musique de Noël? Ben oui, vas-y, mon... Hey, la sainte période du temps heureux des fêtes de la... Hey, hein? Avez-vous déjà acheté vos certificats cadeaux, vous autres? Ben oui. Moi, j'achète ça 5 ans à l'avance. J'ai déjà fait ma liste de cadeaux pour maman pour l'échange à 25$. J'ai écrit 25$ de bobettes, 25$ de bonbons à une scène, un quart de coke, 2 danses à 10. Donc, ma chère petite... Ah, tout d'un coup, je me sens... Ça devait être à quelqu'un d'autre de l'appartement, mais finalement, il paraît que non, tu sais. Ça me fait chaud au cœur de penser qu'à ton tour, tu réuniras tout le monde autour d'une belle tablée à Noël pour partager les plats qui font la joie de notre famille depuis des générations. Ils connaissent bien, en plus. Ben, mais hein. C'est pourquoi j'ai décidé de te léguer une tranche de notre héritage culinaire et de t'offrir mes meilleures recettes du temps des fêtes et le secret qui les rend si spéciales. Bien sûr, il y a mon célèbre ragoût de pâte de cochon, le préféré de ton oncle Gaston. Ça rime, c'est sûrement J'ai aucun hasard. Oncle Gaston, mais, non, c'est, mais... on comprend. Hein? La petite maison en pain d'épices que tu es... Que tes cousines et toi adoriez enfant. Ben oui, c'est une maison en pain d'épices. Qui c'est qui aime pas ça? Et d'autres délices faciles à préparer. Oh, déjà, ça a l'air d'un speech. Ouais. Tu te rappelles comme grand-papa essayait toujours de me cuisiner pour que je lui dise quel était l'ingrédient secret de mon cipote ou de mes croquignoles. Le croquignol, hein? Le coquin, il est resté sur sa faim. Ouais, il a pas il est mort sans le savoir. Hein? elle va nous le dire aussi. Eh bien, j'ajoute toujours une touche d'érable. Le sirop, le beurre ou le sucre d'érable donne un petit je ne sais quoi de goût magique au plat. Oh. Eh ben. Tu verras, ça titille les papilles et la curiosité des invités. Fait que grand-papa l'a jamais su, mais là, nous autres, on lit en ordre. Nous autres, on le sait, puis tu vois que c'est personnel, c'est pas du tout imprimé sur un papier. Non, c'est vraiment, ouais. Ah non, c'est une lettre qu'on envoie à nous, là, c'est à l'émission 70%, là, c'est très personnel. Donc, on finit « Bon appétit, ma petite fille chérie », et on se voit le 25, « Ta grand-maman qui t'aime ». Ah ben merci Jeanne d'Arc, c'est très apprécié. Ta grand-maman qui t'aime aussi. PS. J'apporte mes bûchettes au dindon pour le réveillon. L'année prochaine, c'est toi qui les feras. Parce qu'à ce temps, il y a les cartons à 500 heures approche. Hein? Ouais, c'est ça. Je me sens vraiment pris par la magie de Noël. Mais là, les cartons, est-ce qu'on sait c'est quoi la compagnie, là? C'est pas ça. OK, ceux qui n'ont pas compris, non, c'est clair que c'est une publicité commerciale. Ah, moi, j'avoue, hein, on sait pas encore ça vient. On sait toujours pas c'est quelle compagnie qui nous envoie des fiches recettes. C'est la grand-mère à Tommy. Je vais te dire, ouais, c'est Jeanne d'Arc. T'as fait la compagnie, là. Fait que, Étienne, moi, je te laisse prendre le contrôle, puis je vous reviens avec des nouvelles de savoir de c'est comment, qui ça vient, ça. Comment qu'est-ce, le sirop d'érable? Hein? C'est pas pire aussi. Quand on fait pas un spécial Noël à la place. Saviez-vous ça que pas rendu, là. Au Québec, on fait 85% de la production du sirop d'érable au monde. Ben fait que si tu parles de cuisine ancestrale au Québec, là, pis tu mets pas d'érable, là, ça marche pas. Ben, il va falloir que tu trouves de quoi de spécial. Parce que ça fait traditionnel. Il y a les topinambours aussi qui sont typiquement d'ici, mais qui ici a déjà goûté un topinambour? Ouais, c'est ça. Je savais même pas c'était quoi, moi, l'autre fois. Moi, j'ai déjà goûté, mais moi, parce que je travaille dans un restaurant de fin de cuisine. C'est comme de la racine de gingembre qui goûte les patates, mais qui sont des patates comme des châtaignes, mais comme du riz tout mâché. Oh, regarde, c'est vraiment que ça a l'air d'un champignon brun en twist, là, mais ça goûte les patates. Je vois pas vraiment. C'est pour ça qu'on avait entendu. C'est pas mauvais, mais. Là, j'aurais pu penser que c'est des patates pilées. Tu pilles pas ça. Non, t'es mieux de manger croquant. Ouais, c'est vraiment. C'est un légume inutile. C'est pour ça que. Parce qu'il goûte un légume qui existe déjà, mais moins cher. Puis il ressemble à un autre qu'on aime un peu moins. Fait que je vois vraiment pas. C'est à préparer ça. Ouais, c'est vraiment du trouble à faire bon. Des topinambours. Fait que je pensais très bien là-dessus. Mais sinon... DJ Georges. C'est parlant de ça. Je peux trouver ça au marché Jean Talonge. Alors, tout de suite après la pause, ma recette de petit pois de fête africain. Mais tu peux trouver ça à l'érable. Tu peux trouver ça au marché Bon Secours. Check, il y a Muriel Millard ici qui le dit. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, check bien. Je vends des légumes au marché Bon Secours, des choux, des oignons et des topinambours. Ah ben la chienne. Voilà. Donc, ben là, il n'y a même plus d'épicerie dans le marché Bon Secours. Non. Non, mais elle est encore là. Elle est encore là. C'est pas la magie, toi, ta grand-mère t'écrit des lettres, puis on t'écoute. Bon, ben, on s'en va aux tes paroles, mon DJ. Fait que ça avait pas rapport, mais j'ai des beaux disques qui vont être vendus à l'encan. Donc, si vous voulez aller voir les pochettes, c'est sur le Facebook de 70%. Et si vous voulez les voir en vrai, ben, vous vous déplacez à l'encan du 20 novembre à 20h30 au Brew Pub Brouhaha, coin de l'Hermier des Carrières. Puis, vous venez bien avant, en fait, pour assister à tout le reste de la foire. Qui commence vendredi. Sinon, tous les lots se retrouvent sur le site web aussi, presque tout avec photo en plus. C'est vrai, exactement. Donc, mais il reste des surprises. Ben oui. Sinon, bon, on commence avec quoi? Écoute, j'ai bien des affaires, mais je pense que je vais y aller tout de suite avec un grand disque qui m'a tout de suite fait penser à Tommy. Ça m'a été offert par un de mes élèves que je salue en passant. Quand tu dis grand disque, tu veux-tu dire que la pochette est plus grande que les autres? Non, c'est vraiment le contenu. Es-tu en train de dire « je suis petit »? Non, c'est juste que t'as pas une tête de Mexicain, là, mais... C'est quoi le nom de ton élève qui t'a amené ça? C'est Maxime Panton. Salut, Maxime. Salut, Maxime. Groupe 3, première session. En passant, tes notes, il va falloir que tu travailles fort encore un petit peu. C'est pas vrai, je dis n'importe quoi. voir que je sais les notes de mes élèves par cœur. Ici, on a donc l'album « Ça swing avec Zézette ». Et puis, je savais même pas c'était quoi, ça. J'ai vu ça, puis ça avait l'air une pochette banale. Il y a comme un groupe d'enfants en noir et blanc vidéo pris dans une cour asphaltée. Puis c'est marqué ça. Ça swing avec Zézette. Fait que je mets ça sur le tourne-disque et regardez ce que ça a donné. C'était une bergère qui gardait ses moutons. Et chaque jour, aïe, sa mère lui disait attention. Bergerette, bergerette, méfie-toi du loup. On peut-tu en écouter une autre? Il te guette, On va prendre un refrain. Les fillettes trop coquettes. Mais une autre du même disque, je voulais dire. Oui. Bergerette, bergerette, méfie-toi du loup. Hey. Voilà. Wow. Bergerette. C'était le fun parce que ça commençait comme une toune de d'entre-scène dans Scooby-Doo. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Là, là, ben... Soudainement, la petite fille qui se met à chanter. Maman, quel malheur, quel grand malheur pour toi. Ce que je me demandais, moi, c'est est-ce que c'est vraiment une fille ou c'est une femme qui imite une voix de fille? Écoutez ça. Comme pas clair. En fin de compte, c'est un garçon. Je sais pas. C'est un robot, mais c'est Zézette. C'est un nom ambigu. C'est, ouais, vrai c'est, que, c'est vrai que ça sonne comme si ça pouvait être une adulte qui imitait un enfant. C'est pas clair, hein? C'est pas ça. Fait que moi, j'ai cherché un peu pour essayer de trouver c'était qui. Puis savez-vous ça que si on va sur Wikipédia français, puis on écrit Zézette, on se retrouve redirigé sur la page dédiée à la vulve. Hein? Fait que là, ça, moi, je suis comme resté stocké là, finalement. J'ai oublié de continuer à chercher, mais... ouais. Fait que j'imagine qu'en France, sûrement que Lilian Schutt pourra nous le confirmer, Zézette, ça doit être un terme pour dire la vulve, un peu comme le zizi. La zézette, ça la bisoune, le pipi, le picoui. Moi, j'ai jamais entendu ça ici, mais peut-être qu'en France, c'est répandu. Ce qui fait que le disque, ça swing avec Zézette, prend tout à coup une tournure beaucoup plus amusante. Sinon, ben. Un petit peu moins pour enfants. Mais non, Zézette, garde ton pénis dans tes pantalons, s'il te plaît. Ah non, je me grattais à la poche. Ouais, je sais pas, je te connais, hein, j'ai vu ta main s'en aller dans tes pantalons, j'ai pas pris de chance. Encore la relation tendancieuse entre prêtres, j'ai le pénis de Zézette. Réglez vos affaires ailleurs qui citent les. Pardon, là, moi je voulais une autre tune du disque, là, ouais, Zézette. J'en mets une qui swing un peu plus, qui s'appelle Twist de l'éléphant. Check si ça swing. Ah ouais, un peu plus. Ça swing avec Zézette. Quel malheur, quel grand malheur. Tout petit éléphant. Mais voyons donc. Ton parent, son papa, sa maman. S'en allait sans trop s'en faire prendre un bain dans la rivière et marchait tout en se tendinant. Et voilà. Hey man! De sentir le printemps. Ça va être à l'enquête, ça, là. La forêt du Soudan. Ouch! Hein, c'est... Il allait sous les fougères faire les buissonnières. Qui peut avoir aimé écouter cet album-là un jour? Voyons, ben, les parents de Maxime Panton, apparemment. Regardez la fin, il y a une fausse fin. Oh! On dirait du Mr. Bonzo! Voilà, là, c'est fini pour de vrai. Je me suis fait pogner, moi, la première fois, quand je l'ai numérisé. J'avais arrêté avant, puis là, bah, fuck! Il fallait que j'enregistre le petit bout. Voilà, ça, c'est Zézette. C'est tout le temps de même, tout le long. J'en remettrai de temps en temps, plus tard, dans les prochaines semaines. Ben oui, yeah. Ben oui, c'est... Parce qu'il y a vraiment... Ça fait festif. Oui, c'est ça. Ça on vient peut-être de trouver notre nouvelle toon thème, là. Peut-être. C'est pas un canon, par exemple. Sinon... oui, ça aussi, j'ai hâte à Noël. Hein. Il y a des belles affaires qui se préparent pour Noël. À part de ça, j'ai un autre magnifique album. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre la pochette de celui-là sur Facebook. Ça s'en vient. C'est vraiment acheté pour la pochette au départ. C'est Michel Louvain, Souvenir exotique. Ça m'a été fourni par Simon Predge, ici, qui semble à peine s'en rappeler. Non, j'ai trouvé ça en sol d'église Saint-Denis. Ouais, parle-nous-en une petite dernière. On va faire ça tasser vite après, parce qu'on a Bernacci qui vient. Ouais, on accueille Julien Bernacci en studio, juste avant Michel Louvain. Que je pars, Michel Louvain. Michel Louvain, OK, Souvenir exotique, il est debout, mais très écarté devant des roches avec une petite chute, puis ça, avec une serviette dans le cou. Et ça a été tourné, ça a été endisqué, plutôt enregistré à Hawaï, là, très clairement, on le voit. Puis lui, ce qui est intéressant, c'est que sur cet album-là, il y a trois reprises de chansons connues, mais faites en hawaïen. Ma préférée, c'est... C'est-à-dire qu'il y a ukulélé, là? C'est-à-dire que ça fait... avec du slide. Alors, je pars ici, Je croyais. Vous allez peut-être reconnaître la toune, là. Ça vient d'un groupe qui s'appelait les Beatles, je pense. Je sais pas si ça va dire. Je croyais... Il ne pouvait plus rien m'arriver. Je suis sûr que vous avez jamais entendu cette chanson-là. Mais soudain, jamais de même. Que s'est-il passé? Autour de moi, tout a changé. Fait que tu sais, comment scraper une toune? T'as fait chanter en français je par Michel Louvain avec slide guitar hawaïen en arrière. Et voilà. Il doit y avoir des manières plus simples. Là. Ouais, ça prend beaucoup de budget. Mais ça fait une maudite fun job. Ils l'ont même envoyé là-bas. T'es sûr que tu vas bien la scraper? Ah oui, c'est ça. Tu feras pas ça à peu près, puis elle va survivre finalement. Non. Que voilà, je l'ai joué ça, puis on va passer à Julien Bernatchez parce qu'il est dans son break de pause. Ben, oui. T'es dans ton break de pause? On est en train. Ok, coco, Julien, c'est ma chronique préférée. T'as un beau dessin derrière ta feuille, Julien, qu'un pénis qui vient, c'est que je sais pas quoi. C'est ça que j'ai fait pendant mon cours tantôt. Alors, bonjour. D'abord, j'ai reçu un email de notre fidèle auditeur Liliane Chute qui me félicite pour mon dossier récent annuel sur Pif Gadget et je voulais vous le partager. Alors, salut, t'as trop cool ta rubrique PIF, j'étais abonné pendant longtemps. J'ai eu le barbecue solaire, de quoi faire cuire des saucisses en été, et la poudre à fromage blanc, mais je n'ai pas osé la manger. Il y avait aussi une boîte pour faire des œufs carrés, et le saint graal du gadget, la lunette astronomique qui nous faisait tous rêver. N'oublie pas les pois sauteurs, le tromblon mou, pas le monstre mou qui était nul, et le bandeau Yannick Noah, à plus. PS, on dit des risques sanitaires et non pas sanitaux. En vrai français, on dit un œuf en prononçant œuf, mais on prononce des œufs pour des œufs. Parce que bon, fait que voilà. Alors, on salue Lilian. C'est aussi un nazi de la grammaire. Aussi, donc, c'est voilà. Lilian. Ouais, c'est un français. Alors, j'aurais jamais cru avoir réellement un témoignage sur la poudre pour faire du fromage blanc. Alors, je le remercie sincèrement. Hey, j'avoue, hein, Paris, non, on se posait on des questions. On a un témoin que ça existait pour vrai. Ça existait, puis quelqu'un quelque part l'a reçu. Pas manger. Penses-tu qu'il est rendu au meilleur moins. La poudre? Mettons que tu l'as laissé vieillir, là, le fromage. Ouais, ça goûte le fromage fort. Bon, ben, si quelqu'un quelque part nous écoute, puis il n'a pas encore mangé son fromage blanc à pif. Lilian, là, qu'il l'a gardé. Pas mangé. Ben, Lilian, tu m'écriras ce soir. Et voilà. Ce matin, je ne sais pas quelle heure qui est. Alors, alors voilà, vous l'avez appris ici en premier. Ça, j'avais réduit ça tantôt. Ça. Alors, OK. Comme je l'ai. Du professionnalisme. Ouais, toujours. Comme j'ai dit durant ma chronique, là c'est la vraie chronique, là. Comme j'ai dit durant ma chronique comparative entre Tintin au pays des Soviets et Tintin au Congo, je me considère comme un tintinologue. Il y a une grande attention au détail dans l'œuvre d'Hergé, l'auteur de Popol et Virginie au pays des Lapineaux, et ils ont fait bon nombre d'études, de recueils et d'émissions de tous pour un. Il y a une encyclopédie des personnages secondaires dans Tintin, mais quelle ne fut pas ma surprise de réaliser lors de ma lecture fictive qu'elle était fort incomplète. En effet, on ne retrouve pas le destin des personnages secondaires croisés dans Tintin. Heureusement, je suis ici pour inventer une réponse à cette question que personne ne s'est posée. Place à l'information. Yes. Place alors, à l'information. Ouais. Alors, Abdallah. Fait que là, je vais comme faire un petit le vrai résumé de c'était qui eux autres. Là. Puis là, on peut les visualiser si on a lu les Tintins. Puis après ça, leur destin, là, tu sais. Bon. Alors, Abdallah, fils de l'émir Ben Kalish Ezab, aperçu dans Tintin au pays de l'or noir et Coke en stock, c'est une véritable petite terreur qui ne cesse de jouer des tours pendables, souvent à base de pétards. À toutes les personnes qu'il croise sur sa route, notamment Tintin, et surtout le capitaine Haddock qui l'appelle Mille Sabar. Ben, c'est à la fois simple et compliqué, il semblerait qu'Abdallah est mort d'un lupus foudroyant. les frères Loiseau, antiquaire et propriétaire du château de Moulinsart dans Le Secret de la Licorne, chasse que celui-ci soit racheté par le capitaine Haddock dans l'album suivant Le Trésor de la Camelot Rouge. Il ramasse dans la crypte du château d'innombrables antiquités et acquiert notamment l'un des trois maquettes du navire La Licorne. Et en découvrant le parchemin qui était caché, il se lance à la poursuite des deux autres répliques et devient ainsi les adversaires de Tintin Haddock dans la course au trésor de la Camelot Rouge. Ils sont mis en prison à la fin de l'album, ce qu'on voit pas. C'est qu'ils sont morts d'un fulgurant cancer du sein par la suite. Une maladie assez rare chez les hommes, alors encore plus chez deux frères. Alors, voilà. Chang fut, si on s'en tient à la chronologie de l'album, le premier vrai ami humain de Tintin. Tintin le sauve de la noyade dans le Lotus Bleu, puis il va le chercher dans les montagnes au Tibet, après que ce dernier ait hanté ses rêves. Dans cet album, ce dernier étrangement devenu un adulte, Chang, eh bien, étant le seul personnage de Tintin qui semble pouvoir vieillir, il est récemment mort de vieillesse. Tintin, immortel, restera inconsolable pour l'éternité. Ranko, le gorille dans l'île noire, lui, on se souviendra que... C'était le gorille dans l'île noire. Gorille dans l'île noire, on l'a pas vu par la suite, mais à la fin, il y a Tintin qui fait don de la bête à un parc zoologique, mais ce qu'on on voit pas dans l'album, c'est que Tintin, voulant probablement bien faire, a donné la bête au zoo de Québec, où l'animal est mort de malnutrition, mais surtout d'ennui. Voilà. Le docteur Rotul, que l'on voit dans l'objectif Lune, ostéologue de la base secrète de Sprodge, qui apparaît dans l'objectif Lune, il opère Tintin après qu'il a reçu une balle dans l'épaule. Plus tard, il réanime les membres de l'expédition à leur retour sur Terre. Dans les bijoux de la Castafiore, il envoie un télégramme de félicitations au capitaine Haddock suite à l'annonce de son mariage avec la Castafiore paru dans Paris Flash. On ne l'a pas revu depuis, mais d'après mes informations, le docteur Rotul est toujours bien vivant et vit maintenant un amour interdit avec Zorino, caché dans le Temple du Soleil, qui l'a transformé en un coquet petit nid d'amour. Voilà. C'est tout crédible. Ouais, c'est tout... C'est mes informateurs secrets qui m'ont trouvé... J'aurais demandé, retrouvez-moi un docteur Rotul. Il fait partie de l'ordre des médecins, fait qu'on commence par ça. Alors, voilà. La boucherie sans eau. Le magasin qui a un numéro de téléphone très proche de celui de Château de Moulinsart, soit à 431 pour le premier et 421 pour le second, ce qui cause de fréquents appels erronés auxquels le capitaine Haddock doit répondre. Ces appels tombent souvent en pleine intrigue et ne manquent pas d'exaspérer les habitants du château, à tel point qu'ils perdent parfois patience avec leur interlocuteur téléphonique. Exaspérer le capitaine Haddock. Oui, tu sais, quand c'est à boucherie sans eau, c'est ça tout le temps les derniers albums. Là, ouais. Eh bien, cela ne risque plus d'arriver puisque la boucherie sans eau est maintenant fermée, ne s'étant jamais remis du scandale de l'épidémie de listériose de Moulinsart en 2008, ayant causé la mort de deux personnes âgées. Voilà. Mais où était le docteur Rotul? Il était dans le Temple du Soleil avec Zorino, d'après mes informateurs. Tu parles de Wikipédia, tes informateurs? Entre autres, tout ça, puis ma démence. Matt Damon? Matt Damon. pas mal. L'inoubliable Igor Wagner, le pianiste de Bianca Castafiore. Le petit chauve avec une moustache et des lunettes. On apprend dans les bijoux de la Castafiore qu'il a un problème de jeu. Eh bien, son vice aura eu raison de lui. En effet, il est devenu riche au casino. Il n'a maintenant plus de problème de jeu. Non, c'est ça. Son problème est réglé, il est riche. Ensuite de ça, Oliveira da Figueira, le marchand portugais que Tintin rencontre la première fois dans Les Cigares du Pharaon, à bord du bateau sur lequel il a été recueilli. Le seigneur possède un véritable génie du marketing et parvient à vendre à Tintin de nombreux objets inutiles, comme il le fait aux Arabes du désert. Ami extrêmement fidèle, il n'hésite pas à secourir Tintin plusieurs fois au péril de sa vie. Eh bien, malheureusement, Oliveira serait mort dans les souffrances horribles d'une diarrhée fulgurante. C'était son destin. C'était ça. Oui. Bon, on le voit pas dans l'album, ça, pardon. Et en terminant, Rodro Bertin, éternel oublié, c'est l'aviateur soviétique dont Tintin vole la tenue et l'avion pour échapper à ses poursuivants à la page 108 de l'album Tintin au pays des Soviets. Voilà. Eh bien, il est mort de froid. C'est ça qu'on l'a jamais vu après. J'entrais aussi que 81 ans après sa création, je suis la première et dernière personne au monde à faire une joke à son sujet. Alors, Rodro Bertin de Tintin au pays des Soviets, je ne t'oublie pas. Alors voilà, ce sont peut-être des personnages secondaires, mais à mes yeux, ils seront toujours au premier plan. Et je leur donne 10 sur 10 pour l'aide précieuse qu'ils donnèrent à Tintin, pour par la suite tomber dans l'oubli jusqu'à aujourd'hui. Oh, bravo! Je retourne à mon cours. C'était vraiment complet. Va finir ton dessin avec ton pénis, là. On va l'inviter. Ouais, tu viens de nous joindre, puis on s'en va l'inviter. T'as un beau dessin avec un pénis qui vient plein. C'est Benoît Mercier qui vient. Je me suis dit, je vais venir spammer. Benoît, ça va? Ça va, toi? Ouais. Voilà. Hey, on se parlera si tu as une vraie émission de bande dessinée à un moment donné. Il essaie de nous voler nos chroniqueurs. Je me suis dit, je vais venir spammer directement. C'est tout en même, ça OK, vous entendez la voix de Benoît Mercier, animateur des Mystérieux Étonnants. On salue JP Cardin en ce moment qui nous écoute. Qui devrait revenir en studio incessamment. La semaine prochaine, en fait. Pour vraiment prouver Israël qui peuvent être dans la même pièce, les deux ensemble. Une fois pour toutes. La semaine passée, il était là au douteux. C'est que t'étais-tu là, toi, la semaine passée? Non. Ouais. C'est peut-être toi qui es la même personne. J'ai été démasqué. It's me, Balthazar! On parle-tu du film, là? Ben, moi, je pense que DJ va remettre des tunes. Il a coupé son cours tantôt peu quand je y arrivais. On était pressés par la présence de C'est sûr, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Sinon, ben Benoît fait comme chez vous, hein. Si t'as envie de faire des jokes de rot, c'est pas mon genre, mais c'est beau. Merci. Okay. Je suis pas habitué de ce côté-ci, en fait, de l'aquarium. Ça, ça perturbe un peu. Ouais. On le sent. Les chaises sont moins confo, hein. Ouais, j'aime mieux l'autre. Il commence à enlever son manteau. Les mousses et les micros sont pleins de poils, les écouteurs sont cheap. Mais Bruno, il a parti une page Facebook contre ça, man. À bas les mousses et micros quand on les échappe à terre dans le studio chez c'est une blague? Like, man. Ça sent bien, là, je travaille là-dessus en ce moment. On crée une coalition. Bon, je t'ai rendu dans Michel Louvain et ses souvenirs exotiques. Et tabarnak, dis de même, c'est weird. On pourrait pas là, penser mais... à autre chose, genre? Ben non, on peut pas, parce que regarde, il y a... il y a également cette chanson-là que vous allez peut-être reconnaître. Tes arguments sont en béton. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont dans ton camp, Israël. Mais il y en a d'autres qui veulent acheter le disque. Ah oui, c'est très hawaïen. Oui. Je me sens loin de tout. Loin de tout. Alors, la chanson s'appelle Loin de vous. Et puis, ça ressemble à s'y méprendre à Only You, mais seulement avec plus de ukulélé. Et de Michel Loin Louvain. De ouais. Vous. Hey, grosse nouvelle, les gars. C'est l'association des producteurs acéricoles qui nous ont fait ça, la lettre tantôt de grand-maman. C'est les producteurs d'érable, Ouais, donc grand-maman n'était qu'un cover-up pour cacher une industrie de plusieurs millions de dollars, je pense. C'est étrange. Crosseur de vendeur de sirop d'érable. Moi, je suis pas capable. Les autres, Gaston, ils ont des contacts avec le pape, hein, parce qu'à toutes les fois que quelqu'un du Canada il s'en va là-bas, il amène au pape de quoi? C'est vrai. Contact avec la pape, les 12 familles, les Illuminati, Israël, Trudel, Denis, Michel. Les hommes lézards. Puis qui c'est que le pape contrôle? Jérémy Gabriel. Hey, tout, hein? Tout, ça revient. C'est, la tout est connecté. Tout est dans tout, comme qu'on dit. Tout est dans tout. Ça ou autre chose, c'est un peu comme n'importe quoi. Mais, la revue dans ses feuilles, Marie-Don, Marie-Dé. Fait que là, on revient sur Michel. Ouais, ben, on pourrait revenir sur. Hey, tu le veux pas, Zézette Israël, et le swing. Il veut pas, Michel. Il y a eu assez de zézettes. OK, j'arrête Michel, par exemple, si, avant de me faire trucider par Israël. Mais j'ai une autre affaire. OK, ça, faut vraiment... C'est, la pochette vaut plus la peine que l'album. Ben, l'album est pas pire quand même. C'est Alan Mills. C'est quoi, ça? Folkloriquement vôtre. Alors, je montre la pochette aux gens en studio. N'oubliez pas que c'est sur notre Facebook. C'est en fait un genre de gros bûcheron bedonnant qui est devant une montagne immense de bûches quatre fois plus gros que lui. Parce que c'est tout lui qui a coupé non, ça. Moi, je pense on n'y croit pas trop, vu c'est son niveau de forme physique. Puis il s'appelle donc Alan Mills. Et puis lui, il fait du gros folklore là, générique. Là, ben, genre, l'album s'appelle Folkloriquement vôtre. Ben oui. Ça ressemble à ça. Lève ton pied légère, bergère, lève ton pied légère. Ah, shit. Il y a un petit clavier qui passe partout en arrière, mais c'est pas bien. C'est lui qui fait trop. C'est fait. Fait que là, bon, ça ressemble à ça tout le temps. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une femme dans la salle qui trippe vraiment sur lui. Je le mets à la fin, là, vous allez peut-être voir. Ça va finir, là. Il y a une femme qui crie beaucoup. Ah, il était pas à la fin de celle-là. On était allé aux toilettes. C'est pas grave, on n'est pas pressé. On en essaye un autre pour voir. C'est ça, c'est elle qui criait. Oh! Oh! Puis là, elle devient de plus en plus insistante. Puis là, elle dit tout. Plus l'album avance, faudrait que je fasse plus un petit montage. Plus qu'elle est chaude. Plus qu'elle l'encourage. Puis elle est là, un autre, Alan, bravo, encore un autre. Puis là, c'est de plus en plus fort comme ça. Puis c'est elle qui prend vraiment toute la place dans la foule. Donc, si vous voulez découvrir la progression de ça, faut venir acheter le disque à l'encan. Sinon, sinon, vous allez peut-être. Sinon, ben, éventuellement, je ferai un montage. Mais le mini encan ou l'encan qui s'en vient? Non, le vrai encan du 20 novembre, moi, okay. C'est ça. Mini encan, non, je vends pas des bonnes affaires de même. Je vends juste les affaires que je pense qu'on peut pas vendre. Tu veux impressionner meux. Avec comme on se bend, les Sprats. Oui, pas Sprats. Le meilleur album punk de l'année, finalement. Ah non, c'était pas vous autres. Ça, c'est dommage. C'est non, c'est qui? Pas grave, c'était The Braids, mais on s'en crie. C'était hier le gimmick. Ils l'ont donné à un anglophone. Ouais, c'est ça. Je m'étais mis en veston, cravate, puis tout. Ah ouais, en plus ça pour rien. Tout ben, ça juste pour ça méritait un prix. Ben quand ils l'ont vu rentrer, ils ont failli changer le nom dans l'enveloppe. Hein. C'était à Barnouche, c'était en veston cravate. Fait encore avoir par les Anglais. Les hosties d'anglais. C'est pas grave, on poursuit. Ouais. Alors on c'est une gamique la disque. Ben, Bernard Adamus, il en a gagné combien des prix? Ah, moi, je suis pas resté après que... Après que vous ayez pas gagné. Ouais, ouais, moi, j'ai crissé mon camp, là. Il y avait plus de sandwich aux œufs. Je les ai montré à quel point c'était moué l'album punk, tu sais, fuck off. Ils ont dû le regretter. Je suis resté jusqu'à temps que je perde, après, j'étais frustré. Non, j'étais punk. Ben, en plus, c'était le deuxième prix donné, fait que je suis parti au début, je suis rentré, je suis sorti. C'est une bonne idée. Ouais. Je pense que c'était plate. Ouais, c'était plate. Moi, flashé avec le gratin. T'en as-tu une autre, Étienne? Oui, oui, j'ai un autre excellent album qui s'appelle Night Moves. Et c'est un... En fait, c'est pas juste un album. Ah, ça, là. C'est beau. Ça, c'est vraiment beau. C'est une boîte qui contient deux vinyles et un livret d'une bonne centaine de pages avec plein de photos pour apprendre à danser le disco. Donc, c'est Approche professionnelle de la danse disco et c'est écrit par nul autre que Denny Terrio. Et ça, c'est écrit D-E-N-E-Y. Denny. Puis Terrio, T-E-R-R-I-O. Fait que devinez c'est quoi son vrai nom, mesdames, messieurs. Voilà. Denny Terrio! J'aurais dit Albert Claude Gauvin. Ouais, c'est on hésite. Ouais, mais toi. Ouais. Je vous parle le début, l'introduction au cercle deux temps. Puis regardez bien quelque chose, là. Vous allez voir. Écoutez comme il faut. Là. Je vais vous faire une comparaison. C'est très disco, évidemment. Vous pouvez vous féliciter. Vous le méritez. Vous venez de compléter la section solo de Night Move. C'est la et vous de êtes maintenant 80. Prêt à essayer ce que vous avez appris avec de la musique. Ça, dans Night Move, la section solo débute avec les pas et les danses les plus simples. Et progressivement, ils deviennent plus difficiles. Je vais me concentrer sur les pas les plus difficiles du livre parce que nous croyons que vous comprendrez plus facilement si je vous guide en vous expliquant les comptes. Oui, c'est un autre conseil. Non, mais c'est si trompé, vous ne pouvez mais pas suivre pas lorsque vous écoutez le l'album. Disque, vous devez tout simplement recommencer la plage. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la patience et de la pratique. Et bientôt, vous serez un bon danseur disco. Mon rêve. On dirait une malédiction, vient nous lancer. Commençons avec la base du cercle deux temps. C'est-à-dire simplement tourner une révolution complète sur deux temps de musique. Il n'y a que deux pas à faire. Vous faites d'abord un pas vers l'extérieur avec le pied gauche, vous pivotez en cercle et vous revenez à la position de départ. Ouais. Okay. Assurez-vous de balancer les bras de façon à conserver l'élan pour faire le cercle complet. Il faut également lever les talons du plancher pour tourner sur le bout du pied. Ouais. Je compte comme ceci. Pas gauche, autour, ensemble avec le droit. Comme pas gauche, si pas, autour, et ensemble avec le droit. Et voilà! Alors, essayez-le. Debout, les pieds ensemble. Prêt? Allons-y. Pas gauche, autour, et ensemble avec le droit. L'index pas gauche, sur le dos, là. Autour, et ensemble avec le droit. C'est tout. Maintenant, voici la musique. Prêt? Allons-y. Pas gauche, autour, ensemble avec le droit. Pas gauche, autour, ensemble avec le droit. Pas gauche, autour, ensemble avec le droit. Pas gauche, autour, ensemble avec le droit. Hey, c'est pas pire. Hey, on en veut encore, on en veut encore du DJ là. Ouais, attendez, il y en a plus, il y en a plus. Quelque chose de plus complet. C'est de pire en pire. Attends, il y a du bout que je veux qu'on entende. Là, je suis autour, ensemble avec les doigts. Je pense que ça sent bien le bout que je veux qu'on entende. Je pense que je vais la reprendre avec mon bend. C'est ça. Ouais. Je vais me partir un bend, puis là, je vais la reprendre. Puis là, moi, ça m'a rappelé quelque chose de quand j'étais adolescent. Il y avait une toune qui était bien populaire. Puis là, j'essaie de la retrouver sur mon super ordi. C'était les Bingo Boys qui chantaient How to Dance en 1991. Chanson dance, puis écoutez bien, vous allez voir. Now, here comes the music. Ils ont copié Denny Terrio. On reconnaît le dance des années 90. Attends un peu, là. Check back. Okay, all you need is some patience and a little practice. Ah, il l'avait dit, ça, il l'avait dit. Disco dancing with the best. Ça aussi, il l'avait dit. Checkez bien, ils vont dire le pas. Let's start with the basic two-beat turn. Ah, I'll count it for you like this. Step left, around, and together with the right. Même 10, ça? Non. Step left, non. Around, and together with the right. Toi, tu t'es rappelé de ça chez vous, man? Ouais. Puis là, bon, là, ça devient un petit peu, voilà, comme ça. Hey, c'est démoniaque. Mais là, il y a un autre bout plus tard où c'est le même sample à peu près, là. J'essaie de le retrouver, là. Je suis pas préparé aujourd'hui, je m'excuse. T'es obligé d'écouter beaucoup pour rien, j'avance. Ça, c'était le refrain par rapport. J'essaie de retrouver, en tout cas... Il y a un bout exact qui est la même sympa. On va réécouter ça dans 10 ans. Là. J'avance, je vais le retrouver là. C'est vraiment le fun pour les oreilles. Ouais, c'est ouais. Bon, hein? Les amis à la maison? Ben, on sent que ça va plus vite. Oh, vous balayez plus vite là à la maison. C'est ça. Ça, je vais le retrouver même pas. Ah, c'est après ça. Ça. Le même sample exact. Alors, la même How to Dance des Bingo Boys en 1991. J'ai tellement passé que j'avais quoi tu parlais pendant tout. Voilà. Mais là, attends. Mais là, je vous vois venir. Vous allez me dire, je veux apprendre le disco mieux. Et puis, en même temps, j'ai pas le temps d'écouter 2-33 tours au grand complet. Fait que, j'ai pas le temps d'investir l'effort qu'il faudrait pour apprendre mes tâches. Non, mais en même temps, je veux être bon tout de suite. Fait que, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est d'écouter. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les bouts qui montent les pop, je les ai toutes compressées en une toune de 2 minutes. Donc, ça, c'est... On pourrait l'écouter au complet, puis après ça, t'as mis le bord du fil. Puis, je vous conseille de le faire à la maison, tous ensemble. Fait que t'as pas le disque « Apprenez le disco par l'hypnose ». Non. j'ai un autre hypnotiseur qui s'en vient plus. En dormant. Fait que là, on part ça, faites-le à la maison. Ça commence par la même première track. Voici la musique. Puis vous allez tous les avoir, les pas. Allons-y. Pas gauche autour, ensemble avec le droit. Pas gauche autour, ensemble avec le droit. Pas gauche autour, ensemble avec le droit. Pas gauche autour, ensemble avec le droit. Tony, tu l'as parfaitement, bravo. Touchez droit, touchez gauche. Relevez droit, relevez gauche. Touchez droit, touchez gauche. Relevez droit, relevez gauche. Pas droite, droite, pas gauche, gauche, pas droite, droite, pas gauche, gauche, pas droite, droite, pas gauche, gauche, pas droite, droite, pas gauche. Droit genou, hanche épaule. Droit genou, hanche épaule. Droit genou, hanche épaule. Droit genou, hanche épaule. Bon, 1, 2, 3, 4. Bon, 1, 2, 3, 4. Bon, 1, 2, 3, 4. Bon, 1, 2, 3, 4. Glissez droite en dedans, glissez gauche en dedans. Glissez droite en dedans, glissez gauche en dedans. Glissez droite en dedans, glissez gauche en dedans. Glissez droite en dedans, glissez gauche en dedans. Avant, arrière, avant, arrière, avant. Arrière, avant, hey, arrière, avant, arrière, avant, retour, pas en dehors, en dedans, avant, retour, pas en dehors, en dedans, avant, retour, pas en dehors, en dedans, avant, retour, pas en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, pas à gauche, tourner et genoux, pas à gauche, tourner et genoux, pas à gauche, tourner et genoux, on monte en haut et on descend, on monte en haut et on descend, on monte en haut et on descend, on monte en haut et on descend, balancez gauche, balancez droite, balancez gauche. Balancez sauter, balancez sauter, balancez sauter, balancez sauter, balancez sauter, balancez sauter, descendez, balancez, descendez, balancez, descendez, balancez, descendez, balancez, pas à gauche, pivotez droit, glissez droit ensemble, pas à droite, pivotez droit, pivotez gauche, glissez gauche ensemble, pas à gauche, pivotez droit, glissez droit ensemble, pas à droite, pivotez droite, pivotez gauche, glissez gauche ensemble. Vous avez maintenant complété la section solo du livre. Et, voilà. Et vous avez la chance de pratiquer avec la musique tout ce que vous avez appris. Profitez de tous les mouvements et essayez de combiner tous les pas que vous pouvez. L'avantage de la danse disco, c'est que vous y allez d'après votre imagination. Alors, laissez-vous aller. Contrairement aux autres. Fait qu'il dit droite-gauche, mais ça fait n'importe quoi. C'est ça, c'est des conventions de départ. Tu peux faire autre chose. C'est un starter kit. Tu peux broder autour de ça. Laisse faire ce que tu veux. Tu sais, il dit en dedans, en dehors, en dedans, en dehors, mais ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est comme tu veux, là. C'est vrai. Devant, derrière. C'est toi qui décides. Aïe, aïe, merci DJ George. Ça va être en vente à l'encan, ce magnifique coffret. J'espère ne plus jamais le revoir. Écoute, s'il vous plaît, venez nous en débarrasser. Ouais, c'est ça qu'on s'attend. Là. Bon, ben, une petite pause musicale, là, juste pour penser à rien là, pendant un petit bout de temps. Là. Merci DJ George. Je reviens, on va parler du film après. C'est bon. Attends, c'est leur crise du Chopin, là. Ouais, ouais, ben, écoute, mais je pense qu'on a besoin de ça, là. En dehors, en dedans. En dehors, en dedans. En dehors. Suivez le rythme avec Chopin. À gauche, on tourne en... Sérieux, la voulez-vous la preuve que l'Atlantide a coulé sous la mer il y a longtemps? C'est facile. Vous la voyez-vous, hein, l'Atlantide? La voyez-vous, ça attend? Non. Pas là. Elle a coulé. Ah ben oui. Logique. Mm-hmm. Parler du film un petit peu. C'est Godzilla ça. Contre Mégalon. Godzilla, probablement le plus célèbre monstre de l'histoire du cinéma, mais certainement une icône mondialement reconnue. Étudions un peu le personnage. Moi, j'ai longtemps été fasciné par la fascination que le monde avait de Godzilla. Certains vous diront que Godzilla, c'est Gorira, Gorille et Kujira, Baleine. Qu'il est né de l'imagination de Tanaka Tomoyuki de la société de divertissement Toho, à qui on doit également la carrière d'Akira Kurosawa et bien sûr l'excellent shooter au Super NES Space Megaforce. Il y aura toujours du monde pour nous dire ça. Et voilà. Et que son premier spectacle en tant que Godzilla fut Godzilla, un film de 1954. Mais en fait, Godzilla, on le sait, je vous le dis, il est né le 6 août 1945 à Hiroshima. Un dragon géant qui détruit des villes et lance des radiations mortelles. Quand même, on les connaît, nos notions d'histoire. Depuis cette première représentation, Godzilla s'est diversifié au point d'apparaître dans un roman, plus d'une vingtaine de jeux vidéo, des BD en masse, des dessins animés, des jeux de cartes, tout plein de films, et puis au moins un Hollywood Walk of Fame. De mauvaises langues prétendent que Godzilla serait habillé d'un gars, serait habité d'un gars filmé au ralenti pour que ses gestes aient l'air plus massifs. Moi, j'en crois rien. Godzilla, c'est un animal préservé vivant sous terre depuis les temps des dinosaures, c'est logique. Ben oui. L'utilisation de l'énergie atomique par l'homme fit muter puis se réveiller Godzilla, qui depuis varie entre 50 mètres et 100 mètres de hauteur. Ça dépend puis, des ben, gens, c'est ça? On sait pas trop, ça dépend du film ou du réalisateur. Du costume, du niveau de la mer. Non, ça dépend de la magie, les gars, ça dépend de la magie. Godzilla, il est fixe, c'est le continent qui monte puis descend. Et puis, ben, depuis qu'il s'est réveillé, Godzilla se rendort et se réveille encore au gré du mouvement du chéquier des dirigeants de Toho et bien sûr des attaques de monstres géants. Côté motivation, Godzilla a une psychologie bien simple. Moi, je le sais, moi. Oui, ça. C'est un lion, puis la terre au complet, c'est sa savane. Si les hommes se rapprochent trop de lui, ben il se réveille, il manifeste le fait qu'il est pas content. Aka fait le ménage, avant d'aller se recoucher un petit peu plus loin. Pis si un autre lion tente de lui ravir sa savane, ben Godzilla, il lui botte pour avant de retourner se coucher triomphant. De mémoire, parce que je les ai tous écoutés, et je ne vous les conseille pas tous, non. Loin de là, le terrible lézard n'aura pas perdu beaucoup de combats. Je m'en rappelle de deux. Un contre les larves de Mothra, le papillon protecteur de la Terre. Ouais. Des fois, il est gentil. Des fois, il est méchant. Puis d'ailleurs, dans deux, contre Monster Zero, le monstre né au centre du trou noir, au centre de notre galaxie, et qui parcourt la Voie lactée dans le but de trouver un challenge intéressant. Mais Godzilla, ben, tu sais, il s'est fait botter par Monster Zero, puis après, il est devenu pote avec Mothra, son ancien ennemi, puis Gamera, qui est la tortue qui pitche du feu, pour botter le gros monstre à trois têtes loin de la Terre, bon. Mais bon, ça change rien aux propriétés aphrodisiaques mornes du monstre. Parce que oui, Godzilla provoque souvent des histoires d'amour à la mort moelleux, désagréable, tout en longueur et en passe de blonde. Souvent. D'habitude, je vais tourner le dessin de Bernard Chi, je suis allé le voir son d'habitude, d'habitude, regarder une fois par film. D'ailleurs, je prends Godzilla en appui pour vous décrire un phénomène cinématographique récurrent, les passes de blonde. Vous savez, dans la vie, ça arrive que les héros de films soient masculins, ça arrive. Ouais, et puis ça arrive qu'ils aient une petite copine dont la seule présence ralentit immanquablement l'action. Bon, pas trop souvent, une chance. Ça arrive. Quand le personnage de conjointe prend le dessus dans la balance des pouvoirs et ou dans l'attention du héros, on assiste à une passe de blonde. Vous sentez ralentir le pouls. Vous sentez ralentir le développement de l'action au profit de travelling amoureux sous fond de saxophone, de scènes de chiolage gratuits ou de déclarations d'amour évidentes. On a les sensations un peu semblables quand un personnage nommé Jar Jar Binks fait son apparition dans les Star Wars. Ouais, peut-être. Ça dépend comme des individus. Je pense que tu viens de montrer tes cartes sur table. On note Marge Simpson et la fille dans Taxi 1 de Luc Besson au rang de probablement les deux meilleurs exemples de blondes provocatrices de passe de blonde. Mais bon, ce soir, c'est cool parce que c'est Godzilla avec plus qu'un méchant à lui botter les fesses. Ça veut dire que chaque gros monstre géant vole un petit peu de temps sur les histoires d'amour à la mort moelleux. Et ça, c'est bien. Mais c'est pas un 2 contre 2 dans celle-là, justement, le combat final? Ben, il me semble que Mothra, peut-être, il ressemble, mais c'est pas... Non, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, moi. OK, mais en fait, non, le combat final, c'est un 2 contre 2, parce que Godzilla a Godzilla, après avoir, pendant 45 minutes du film, traversé tous les océans à nage, là, le film se passe, mais à chaque fois que tu reviens à Godzilla, il est juste en train de nager, là, c'est interminable. Ouais, il veut se rendre. Ouais, il veut se rendre, tu sais, mais pendant ce temps-là, t'as des scientifiques sur Terre, sur la Terre, je veux dire, qui ont inventé un robot surpuissant pour combattre les méchants, sans trop savoir que Godzilla s'en vient, je pense. Ou en fait, il envoie le robot chercher Godzilla, mais le robot est plus rapide, lui il vient en volant, donc, l'autre nage. Toutes ces questions-là vont être résolvées ce soir dans 5 villes au Québec, puis peut-être plus ailleurs. Qui sait? J'ai trouvé, parce que Godzilla, c'est un personnage assez mythique, puis là, on a une version japonaise sous-titrée en français, puis les Japonais, c'est super drôle quand ils parlent, mais ils citent dans Drawn Together, qui est une télésérie américaine qui est assez trash, là, je vous la conseille franchement. À un moment donné, Ling Ling, qui est le Pikachu du film, devient un... il est sell-out, tu sais, il met du scotch tape, fait que là, à la place d'avoir les yeux bridés, ben là, il a comme les yeux grands ouverts tout le temps. Fait que là, ben, il perd ses pouvoirs d'asiatique, c'est-à-dire d'être bon en maths et d'être maigre, petit et jaune, là, tu vois, c'est ça là-dedans. Fait que là, je pèse play, il y a Godzilla qui va le voir pis qui dit « t'es un sell-out, man ». Fait que là, ça jase. Vous voyez bien qu'on l'avait, le cri. Shut up, Godzilla. You're just jealous. Bon point. Ah. Tu vois que c'est des bons points qui sont là. Avec Godzilla, non, il est vrai. Clairement, il a la main au-dessus. Et là, fait que là, c'est ça, là, l'autre, il est en train de dire « you breathe fire ». Premièrement, c'est pas du feu, c'est des radiations. Ouais, ça l'a longtemps été débattu. Ce n'est pas par force de chaleur nécessairement que ça tue, mais c'est bien par force de radiation. Tu pognes le cancer vraiment vite. C'est là. Ça, c'est ça. Si t'es pas loin de Godzilla, tes couilles peuvent enfler pour des raisons impossibles. Un petit peu plus loin dans le même épisode, qui s'appelle « Super Nanny », Ling Ling s'en va chercher son prix. But something in the back of his head kept nagging him. Godzilla was all wrong. J'aime ça parce que c'est vraiment de l'ostinage. Tu sais, ils essaient de discuter, les gars. Mais sinon, d'autres cris de Godzilla qui sont assez célèbres avant de passer à la prochaine chansonnette. Vous allez voir ici, j'ai trouvé ça sur YouTube. C'est bizarre, ça. Il était surpris, ça. Ça, en fait, c'est que Godzilla, d'un film à l'autre, il changeait souvent de méchant, donc de personnalité, donc de réalisateur, donc de but dans la vie. Mais ce qu'on sait, c'est que Godzilla, il est à quelque part, puis il fait sûr que tout va bien. On pense à toi, God. On est respect. Avec toi, Godzilla. Moi, je vous... Parce qu'il faut que je la mette aujourd'hui, là, c'est Magnum Daisy. Ah! Yeah, c'est au grand plaisir de tout le monde. Non, je vais aller fumer. Ouais, tu veux des racontes, c'est ridicule, fait que ça fit. Et voilà. Quelqu'un veut commencer à fumer, vous avez fait qu'on revient juste après pour des nouvelles à Bruno, puis Brett, il va nous parler de... C'est quoi déjà en fin de semaine, là? Il y avait déjà... Il n'y a pas un film qui sort, non, Cabane à sucre, c'est pas de suite. Pâques non plus. Oh! C'est la foire de l'absurde! Ah! Et voilà, on écoute Magnum Daisy. Sortez-y son gilet spécial. Tu dors dans mon t-shirt de Kiss. C'est même toi qui l'as choisi. Même si t'arrives à mes cuisses, moi j'y peux rien, je te trouve jolie. Je te laisse dormir sur l'oreiller, de peur de briser la magie. J'allume une sèche, je prends le temps de te regarder. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le soleil. Aïe, je viens de me rappeler qu'on avait un mandat musical, puis que ça, c'est le ça contraire, parce qu'il paraît que c'est un super groupe québécois. Hein? Donc, ça... c'est une critique de la chanson. On c'est est vraiment content ça, que le chanteur de Noir Silence revienne avec ouais, sa voix. Ouais, mais c'est émergent cahier. Parce qu'il vient de le sortir. C'est ça. Fait ouais. D'un autre côté, peut-être que ça brime pas le mandat musical de Choc, on le sait pas. On prendra pas de chance. On prendra pas de chance. Non, je suis sûr que ça le brime, moi, éteins ça. Attends, c'est le deuxième couplet. On va se faire chicaner encore, Tommy, là. Tu te rappelles la dernière fois qu'on avait parlé de Mademoiselle Néron? Même si c'est vrai que j'ai une armure, je me vois mal avec une épée. Tuer des dragons, c'est ridicule, sauf si on couchait avec toi. Ouais, mais ça marche, ça rentre pas dans le mandat s'il chante. S'il chante, s'il chante, il a le droit de le chanter. Il a le droit de le chanter, là. Ben, nous autres, on a le droit de chanter. On fera pas nos bottes. Est-ce que quelqu'un connaît les paroles de Caroline Néron? Non. Moi, j'ai pensé à ça tantôt, là, pendant la foire, là. Ça va être la première fois en longtemps que Meux va faire des tunes. Il va revenir. C'est un vieux de la vieille. Puis sinon, ben, Danny Daniel, grand, c'est la première fois qu'il va venir faire des tunes. Puis lui, ben, c'est comme le contraire. Tu sais, lui, il n'a jamais fait avant. Non. Ben, live, en tout cas. Fait qu'on a des... Ouais, c'est ça. Hey, non, mais à chaque année, j'aime ça parce qu'à la foire du Douteau, on a toujours un groupe qui font leur premier show à la foire. Il y a eu Les Amants de Monique, il y a eu Vidéoville et il y a eu Jésus les filles, à ma connaissance. Ouais, à date, on a ça. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas. Moi, j'ai une question pour vous. Je suis surpris. Est-ce que vous en avez parlé, il y a comme le magazine Baron? On n'en a pas parlé, c'est vrai. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, on est au courant. Moi, j'ai dit ça tantôt rapidement, mais j'ai même pas lu l'article. Mais vous avez été encensé dans le magazine. Mais oui. Oui. Ben, t'en as plus au courant que moi. Ben, j'en ai entendu parler. Cool. Ouais, ben, c'est ça. Il y a le magazine Le Baron, l'édition. À chaque année, ils font comme un genre de best-of des choses qu'il faut voir ou qu'il faut lire à Montréal. Puis vous avez eu un article, je pense, si c'est pas lui, je m'excuse, là, mais d'André Péloquin du Bang Bang. Puis qui vous a encensé dans le magazine. Il y a personne qui l'a lu. C'est bien de sortir, ça. Ben, c'est sorti. En fait, moi, c'est quelqu'un qui, d'ici la station qui m'en a parlé, il a vu l'exemplaire à l'exposé en fin de semaine. Moi, je l'ai vu passer sur Facebook, me semble. Ouais, c'est quand même assez cool. Mais ça on a de la notoriété. On a passé aussi dans le journal de Montréal il y a deux semaines, puis il n'y a personne qui a réussi à voir ça, sauf, je me rappelle plus de son nom, mais le propriétaire du Trou du Diable à Sherbrooke, lui, il a mis la main là-dessus, mais nous autres, on n'a jamais entendu parler de ça. C'était quoi, c'est une annonce pour la foire ou... Ben, il parlait du douteux puis de la foire qui s'en venait, mais c'est une plug de nos bénévoles, ça a l'air. J'ai aucune idée c'est quoi l'idée. nous autres, on sait rien, mais tout le monde parle de nous autres, ça a l'air. J'ai un autre étudiant qui me dit qu'il avait vu ça dans le journal. Ah ouais? Puis qui me dit qu'il allait me l'apporter. Fait que Michel Morin, si tu nous écoutes, oublie pas ça, parce que sinon tu coules ton cours de réseau. Ah, chantage! Despotique. On a le pouvoir. Bon, ben, en tout cas, l'important, c'est que le monde sache qu'il y a la foire en fin de semaine. Ça va brosser en sapristi. J'ai l'enfer des schtroums, j'ai retravaillé encore tout plein dessus, là. Ah, veux-tu que je lance une coupe de Q au monde, savoir ce qui va se passer? Vas-y, mon gars. Regarde, on a fait le tour, hein, vite, à la base, la foire du douteux, la foire de l'absurde, qui se passe du 19 au 22 novembre au pub Brouhaha, au 5860 de Lormier, coin des Carrières, dans le quartier Rosemont. Ça va être 4 jours d'événements, ça va être capoté ben raide. Le vendredi, on a une des prestations live de Digit Missile Command, on a Clochard, et on a Pat Électrique, nouvellement branché sur le douteux. Ça va être assez spectaculaire. Juste après ça, on fait la lecture live d'un livre érotique dont vous êtes le héros, et le public choisira sa destinée sexuelle. Par applaudissement. Un doigt de plus. Par applaudissement. Oh, juste après ça, on se tape le très brutal Tout le monde tout nu 2, La vengeance des phallus. Ça, j'ai la suite de notre spécial sexe de l'an dernier. Ça va faire mal, surtout que cette année, j'ai un chapitre juste sur les chevaux. Il y a un de mes amis qui, ça se peut qu'il amène une première date à ça. Ah non, hey, on a eu l'année passée des premières dates, hein, puis ça a l'air que ça avait mal fini. Mais tu sais que moi, je me souviens nullement de la soirée de l'année passée. T'étais là, j'étais là, t'étais là pourtant, ça a été effacé de ta mémoire. Ça a été totalement effacé, en fait, non. Tu te rappelles pas de l'Alien? Non. Je me souviens de rien. Je peux même pas te donner un extrait. Le point de E.T., tu te rappelles pas de ça? Je vous jure que c'est peut-être parce que j'ai ramassé des projectiles. C'est pas grave, je le ramène dans le 2. On l'aime bien trop. Mais c'est pas grave, gars. Il y a samedi aussi, il y a d'autres affaires. Le samedi, on va avoir une prestation. En fait, il y a des films tous les jours à partir de 16h. Il va y avoir des longs métrages douteux, dont La Troupe Crème Brûlée qui vient nous présenter le vendredi le film Cindy, qui est en fait une comédie musicale. De quelqu'un qu'on peut pas nommer. Mais que vous connaissez toutes. Non, pas Gilmore. Puis je parle pas non plus de Monsieur Plat, de son nom de famille Mondon. Là. Non, ça a rien à voir. Ça a rien à voir, là. Serait-ce Bonne Zion de Musical? Là, t'as tout un concept. C'est composé par John The Wolf. Là. Ouais, c'est ça. On a la chaîne samedi. Attends une minute. Samedi, on a des prestations fabuleuses. On va avoir le quiz sur le cinéma douteux. Je vous invite à participer. Ça va être animé par Tommy Godet, justement, avec des beaux prix à gagner. Puis ben des niaiseries. C'est ça, un des. Ah, merci. On vient de me donner l'horaire. Il y a tellement d'affaires. De la misère à m'en rappeler. On va avoir aussi une prestation des les Sprats comme house band de l'encan douteux qui va être animé par DJ Georges de Radio Cochonnerie et de 70%. Mm-hmm. Dis quelque chose, DJ. Yo. Ben voilà. Si vous en voulez plus, venez à l'encan. Toutes les lots sont sur le site web douteux.org. Ça va être capoté ben raide. Après ça, on a le légendaire Meu de Pressac qui s'en vient nous faire une prestation live. On est sur le cul, on sait pas trop ce que ça va être parce qu'en fait, on lui a dit, yeah, on te donne le stage. Avez-vous de la sécurité pour la fin de semaine? On n'a pas de sécurité. Je sais pas, ça peut mal tourner. Après Meux, on va avoir un super méga cochonnerie extravaganza dance party. Vous aimez ça, des radios cochonneries? Vous aimez les tunes fabuleuses que DJ nous fait découvrir à chaque semaine? Mm-hmm. Ben, venez danser sur ces tunes-là tout de suite après Meux. Sélection dansable seulement. Sélection dansable. Est-ce qu'on va avoir la tune de Four Non Blondes? C'est sûr. Okay. Ah yes, vous voulez l'entendre en loop. Le truc pour nous montrer comment danser le disco, ça va être là. Il y a de la danse exercice, en tout cas il va y avoir plein d'affaires. Ça va être écœur. On a pas fini là, on a juste la moitié de la fin de semaine de fête là, imagine. Là le dimanche, en plus des films qu'on va regarder en après-midi, Troll 2 puis Guerrier de la route, il y a le Téléthon de la deuxième chance. Ça c'est 6-7 heures de show avec, il y a 25-30 invités, des musiciens, des humoristes, on va faire des sketchs, on a un lutteur, on va faire de la lecture live, de l'autobiographie de Normal Amour. Ça va être capoté. C'est là qu'il va avoir Danny Daniel. 6 heures, 7 heures. Daniel Gabriel qui vient nous faire des tunes live pour ma la première fois. Ma mère amonde de l'Abitibi pour faire des tartes aux pommes, pas de pommes. C'est-tu vrai que c'est une pleine lune en plus? C'est vrai. Daniel, c'est une pleine lune. Elle va-tu falloir qu'on ait de la sécurité? Le dimanche, t'es rempli. Le dimanche, là, c'est un événement. Là, chaque année, c'est ça, c'est... Internet. Je connais pas d'adjectif. Ouais. C'est assez hallucinant. J'ai frenché cette soirée-là. Honnêtement, à la foire l'année passée, j'ai frenché énormément. Fait que si vous voulez frencher, la foire est trompe de personne avec vous. Allez-vous tenir à côté de ça? Essayez-vous ensemble les deux. Moi, j'ai frenché personne. Je me rappelle pas d'avoir frenché avec Benoît, mais je me rappelle pas du nom de la fille que j'avais frenché. Fait que peut-être que c'était Benoît. Benoît, on se rappelle pas du spécial sexe. Ce qui me stresse un peu. Tu as vu dans la même pièce? en ce moment. Ce qui me stresse un peu, c'est que l'année passée, il me semble que la fille en question, je l'avais ramenée. Fait que. C'est pas moi, t'inquiète pas. En tout cas, moi, je m'étais réveillé chez nous. Puis il y avait personne d'autre. Fait que, on sait pas trop. En tout cas, à éclaircir. On la salue. Puis on la salue, Mademoiselle X. On a aussi, évidemment, pour clore la foire, nos lundis réguliers qui vont avoir un petit kick de plus parce qu'en plus que dans l'après-midi, on va regarder Deadly Prey et L'Arme Absolue, deux trésors extraordinaires. On va avoir à 19h, en remplacement de l'émission de radio, il y aura pas d'émission ce soir-là, on va avoir un panel de discussion sur le cinéma avec des invités surprises. Ça va se faire ça aussi au brouhaha. Pour ceux qui veulent écouter l'émission, ben je suis désolé, mais est-ce qu'on va... Et entendre en onde, c'est en fait le film qu'on va se taper à 10h au bois. C'est le choix de Bruno. Le choix ultime de Bruno Corbin, Vivre pour survivre ou Whitefire ou Le Diamant. Quand il avait manipulé les cartes, ça y est. L'an prochain, c'est à mon tour de choisir. Mon chenier a annoncé qu'il sortait en Blu-ray. Ça sort en Blu-ray. C'est un douteux populaire. C'est dans ce film-là qu'on entend. Je vais demander à Benoît parce qu'il était là... On s'en reparle l'année prochaine. On nous a parlé de La Force des Sept, là. On va se taper Whitefire, puis on reparlera. C'est dans ce film-là que vous avez l'extraordinaire phrase « Dommage que tu sois ma sœur ». Ouais. Alors, si vous voulez l'entendre live, il faut le venir au brouhaha. À la en contexte. Contexte là, c'est ça. En contexte. Vous allez voir que, parce que vous allez voir que ça a du sens. Dans le contexte, ça a de l'allure. Non, pas vrai. C'est pris hors contexte. C'est ça, c'est facile là, dans ce temps-là de rire. Ouais. Mais tu sais, quand tu regardes ta sœur puis qu'elle est tout nue puis tu dis « Dommage que tu sois ma sœur », tu peux avoir l'impression que c'est weird. Non, mais en fait, non. Il faut vraiment le voir dans le contexte. Ça s'explique, là. Puis je me rappelle plus, mais en tout cas, ça va être de l'allure. T'as regardé cochon aussi après y avoir enlevé sa serviette puis qu'elle dit « Je suis très mal à l'aise, j'aimerais que ça arrête ». C'est ça. Alors tout ça et encore plus des jeux vidéo. Israël va peut-être nous traverser Final Fantasy VIII ou autre chose. Je sais pas qu'est-ce que t'as à proposer. J'ai gagné une coupe Stanley à Stanley Cup au Super Nintendo. Bon, voilà, un gros sprint de jeux vidéo. Il va avoir un jeu de mini pot dans le bar. Ça veut dire que tu commences dans la salle du haut, tu finis en bas. Puis là il y a du monde partout. Fait que faut t'être. Excuse, peux-tu te tasser? Faut que je kick ma balle. Excuse-moi, tu peux-tu te tasser? Attention. Le jeu de mamelon de Don. Il va avoir deux jeux d'opération. collaboration parce que je vais amener celui de Spider-Man. Mm-hmm. Et la terrifiante, terrifiante Sévigny-Vision. Oui, c'est pire que tout ce qu'on vous a dit. C'est la pire. C'est le pire. On vous donne le défi de rester plus que 5 minutes. C'est pas faisable. Non, pas 5 minutes. Non, mais c'est correct. On a des ambulanciers sur place. Pour ceux qui dépassent les limites, on est de la sécurité. Chacun vit son Sévigny-Vision. Tantôt, il n'y en avait pas de sécurité. Là, ça vient de se bouquer. Il nous a appelé pendant que je parlais. Là. Ben merci. Ben, ça va être capoté ben raide. Fin de semaine prochaine, n'importe quand, si vous venez au brouhaha entre le vendredi puis le lundi, je vous le jure, c'est sûr que j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais ça va être spectaculaire, ça va être hallucinant. Si vous voulez voir des affaires bizarres, c'est la place à Montréal. Je pense que vous serez jamais déçus, vous allez triper comme tout le monde. Tel que cité dans le journal de Montréal. Hey, voilà. Même nous autres, on va avoir des surprises cette année, ça va être capoté. Hey, merci beaucoup, Predge. Sinon, pensez ça. Moi, je pense que peut-être qu'on va écouter juste un petit peu de musique. Moi, je veux des nouvelles. Bruno, il nous ramène des nouvelles. Puis moi, j'ai ma lettre, puis tout. Puis toi, t'as ton film, puis Bruno, c'est nouvelles. Je voulais juste mettre 10 secondes de bruit tranquille. Vas-y, Bruno, mets des nouvelles. D'accord. Alors, ça fait du bien. Le nouvel hôtel de ville de Chandler, en Arizona. Yeah! Et vert, dans le sens de éco-gentil, là, dans le sens de écologique. Ils l'ont pas juste repeint. Voilà, non. Je suis younger. Alors, tellement que les lumières se ferment tout seul quand personne les ferme et que les toilettes utilisent une eau non traitée. Elles ne se flushent pas tout seul. C'est pourquoi on peut voir un panneau dans les salles de toilettes indiquant de ne pas boire dans les toilettes ou dans les urinoirs. C'est quand même une bonne idée. C'est un gros drawback, je trouve. C'est une bonne idée de mettre de l'eau grise dans les toilettes, mais je sais pas si c'est une bonne idée de mettre un panneau pour dire de pas boire dedans. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine si on est obligé de se priver de boire dedans? Voilà. Alors, heureusement que le panneau était là, a affirmé le maire Boyd Dunn. Le maire? Oui, j'avais soif et je cherchais un moyen de me désaltérer. Il n'y a pas de lavabo dans cette toilette-là. Il ajoute, je suis certain qu'il y a un genre de règle qui oblige à mettre ce panneau. Voilà, nous autres aussi, on le suppose, parce que sinon... Attends, j'espère... le maire de la ville, il est heureux d'avoir vu la pancarte, sinon il s'en allait boire dans le pissoir, là, quand même. Mais non, mais ça devait être, il devait avoir un robinet aussi. On n'est pas les seuls à savoir c'est quoi le cynisme. Je pense que c'était ironique. Je pense que c'était un blague. Ouais, mais je voulais être sûr, parce que des fois que toi, on le sait pas, hein. Je voulais être sûr que ça soit pas une vraie... Pas une le maire, il est assez taquin. Mais on a rencontré des maires étranges, hein. Est-ce que c'est un crossover avec l'autre? Écoutez Bruno, là. Un crossover avec quoi? Ben, les deux nouvelles, est-ce qu'ils vont se... Non, pas du tout. Ok. Est-ce qu'on va avoir le fils du maire? Genre telle mère, tel fils, on pourrait dire. Ouais. Ok, on va dire que c'est le fils du maire dans la prochaine... je sais pas du tout, mais peut-être. C'est toujours possible. Il porte pas le même nom de famille, mais ouais, je suppose que c'est son fils parce qu'il vient de la même ville. Et voilà. Alors, Blair River, un homme de 6 pieds 8, pesant environ 600 livres, vient de se trouver un travail de porte-parole pour un restaurant à Chandler, en Arizona. Ouais! L'ancien champion de lutte et joueur de football a tourné une publicité invitant les gens de 350 livres et plus à manger pour gratis dans le restaurant à la thématique médicale Heart Attack Grill. C'est la place. Lors d'un repas au Heart Attack Grill, les serveuses sont habillées en infirmières sexy et les clients appelés patients portent des jaquettes d'hôpital par-dessus leurs vêtements. On n'y sert aucune boisson diète et les repas sont tous riches en calories. Très riches. Les frites sont frites dans le lard. Le propriétaire, John Basso, un nutritionniste qui a dirigé une chaîne de centres de perte de poids en Oklahoma. Voilà. Allez voir des photos du menu sur Internet. Répète le nom du restaurant. C'est le Heart Attack Grill. Je pense qu'il donne un paquet de top en plus. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Là. Ben c'est horrible. Les burgers sont thématiques de pontage. T'as le double pontage, triple pontage. Chaque boulette, c'est une demi-livre de viande. Dans le quadruple pontage, t'as 2 livres de viande. Tabarnak. Tu prends une bouchée et t'as plus faim. C'est la vache noble qui est morte pour ça. Il y a le bar à frites. Ouais, mais si tu pèses 350 livres, et plus, tu manges pour gratis. Ouais, faut que tu sois capable de te déplacer jusque-là, c'est là-dessus qu'ils misent. J'aimerais savoir les assurances de cette déplacement. Probablement. Non, j'avoue, non, mais ils disent dans leur annonce que le manger-là peut causer la mort. Hein. Oh, ouais, c'est envie d'un cheeseburger, les gars. Ouais, ça serait bon, hein. Ça me donne faim. Ouais, moi aussi. Ouais, on va aller manger un cheeseburger en chemin vers le brouhaha, je pense. Hey, vas-y, Israël, punis-nous encore des lettres. Toi, t'avais-tu fini tes affaires? Il t'en reste une. Il t'en reste une, on va la garder pour tantôt, puis on va. On est tellement euphoriques. Ouais, je n'ai vraiment une bonne parce que Simon manipule Marie-Pierre à ce qu'il paraît. Oh! Ça fait qu'elle est vraiment bonne, celle-là. Je l'avais jamais lue encore. Salut Israël, comment ça va? Moi, pas si pire, à part que je suis dans mon cours de bio puis je m'emmerde. On dirait qu'ils commencent tous pareil. C'est vrai, hein? Mais c'est rare. Je suis dans mon cours de et c'est plat. Bio, okay. Je pense que c'est la première fois, ça se peut-tu? Ah, c'est souvent bio, en anglais. C'est secondaire 4, secondaire 5. Ça, c'était 3. 3, ouais, un bio en 3. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de t'écrire, ben oui. Ben, ben oui. En espérant que tu veuilles lire ma lettre, mais non. Il l'avait pas lu encore, bon. On rappelle. Puis, quand est-ce que tu déménages ou encore déménages-tu toujours? Je veux pas être méchante, mais je souhaite que non. Il faut que je te dise quelque chose, ou plutôt demander quelque chose. Trouves-tu que Simon prend Marie-Pierre comme un esclave? Ouais. Puis j'y pense, tu peux... Voyons, tu peux pas répondre, ben ben, vu que tu ne connais pas l'histoire. Il va falloir que je te la conte, puis ça va être priceless. All right. Ça sera pas biaisé. Tout commence à la danse. Laissez-moi vous ramener dans un manqué. Tout commence à la danse. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Il y avait le slow de Céline Dion, My Heart Will Go On. Et voilà. Comparativement à ses autres tunes qui sont pas des slows. Marie-Pierre a demandé à Simon s'il voulait danser, mais il a fait semblant de pas la voir. Donc, Marie-Pierre en avait déduit qu'il avait refusé. Ben, fait que là, Marie-Pierre... Il y a la toune? Ouais. C'est pas la vraie toune. Enlève le Chopin. Fait que là, Marie-Pierre a voulu l'embrasser, mais Simon s'est tassé sur André. Marie-Pierre était vraiment frustrée. À un moment donné, la seconde après, André, elle a parlé à Marie-Pierre pour savoir si elle pourrait lui emprunter Simon pour danser un slow avec. Marie-Pierre lui a souhaité bonne chance parce qu'il avait refusé de danser avec elle. André est allé lui demander et Simon a accepté. Fait que lui et Dédé ont dansé les 3 minutes qui restaient sur la chanson. Elle est potin, hein? C'est fou. On se noie. Mais fun fact, Simon a déviergé Marie-Pierre. Oh! Dans la chronique, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Dans la chronique, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ouais. Ils seraient décédés. On les salue. Mais le pire dans tout ça, c'est que Marie-Pierre avait pas un mot à dire, puis elle pouvait pas le défendre de sortir sur ses ordres. J'en reviens pas. Elle a rien fait pour s'y opposer. Elle l'a laissé danser avec André. Le pire de tout ça, c'est qu'il lui prenait quasiment les fesses. Quasiment! Maudit fou! Les fesses! Puis à peine celle de Marie-Pierre quand ils dansent des slows ensemble. Oh! Voyons. Ma sœur s'est pas plus opposée au geste fait par Simon. Essaye d'imaginer comment Marie-Pierre pouvait se sentir le lendemain. Simon et Marie-Pierre ont dû parler au téléphone toute la journée. Ils ont dû faire ça. Ouais, ils ont dû faire ça. C'est ça, inévitablement. Fait que là, mettons, elle trouve qu'il n'y a pas assez de bulles épaisses qui n'ont pas rapport, qui sont là-dessus. Fait qu'elle dit, imagine comment qu'elle s'est sentie, parce que sûrement que les deux autres se sont parlé au téléphone. Toute la... Hey, calice. On bon. Grandit. Je suis rendu à moitié, là, je vais essayer de finir vite. Voyons, Simon lui a demandé si Marie-Pierre avait un autre gars dans sa vie. Il lui a dit que si jamais cela serait vrai, il lui ferait la vie dure. Tu trouves pas que cela prouve que Marie-Pierre est une esclave? C'est clair. Dites ça. Ouais, c'est ça. Preuve acceptée. Je trouve tout cela monstrueux. J'écoute souvent leurs petits problèmes de couple et à entendre... Et à attendre... C'est comme mal écrit. Le moment où Marie-Pierre serait libre de ses actes. Je devrais être... Point. Ça devrait être attendre, en tout cas. Point, je devrais être point. C'est écrit un peu comme... Normal amour. Point, je devrais être point. Je veux pas être méchante. Encore, on le rappelle. Hein? Je veux devrais être méchante... Excusez-moi. Mais le mieux pour Marie-Pierre serait de flusher Simon au plus sacré. Voilà. Mais Marie-Pierre dit qu'elle l'aime trop et que quelque part, Simon est très fin. Et qu'il a un paquet de qualité. Moi, je dirais plus un paquet de mensonges, mais c'est pas de mes affaires. Non, c'est ça. Okay. Je dois t'avouer pour... On rappelle que c'est pas de ses affaires. Qu'un gars... Faut qu'elle m'avoue que pour qu'un gars... soit mon ami ou même mon chum, il faut absolument qu'il ne soit pas souligné possessif. Sinon, je crois qu'on peut pas avoir de fun sans sa liberté. Bon, ben, changeons de sujet. Là, je sais que je suis fatigante, mais j'ai toujours l'impression que tu me mens. Voyons. Et voilà. Toi aussi, t'es un Moi aussi, je suis un esprit. C'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que, es-tu jaloux, oui ou non? Réponds donc franchement, je ne serais pas fâché, mais il faut justement que je le sache parce que si on peut pas se faire confiance, je me demande à quoi ça sert d'être des meilleurs amis. Écoute, je sais que peut-être. Ah ben ouais. C'est un beau silence. C'est bravo. Aujourd'hui, examen surprise. Je sais peut-être que tu ne veux pas me le dire parce que je suis ton ex et que tu tiens à le garder seulement pour toi, mais je vais te dire pourquoi je veux le savoir. C'est parce que je veux être sûr que nous n'aurons pas de différends quand tu vas déménager EZ. La seule chose que je te demande, c'est de répondre, et j'espère la vraie réponse de ta part sans avoir à te reposer la question. Je dois te laisser avant que le prof ne me prenne sur le fait même calisse une lettre de 3 pages. Oui, le c'est... prof, où ce qui était? PS, écris-moi le cave. Alors, t'es-tu prêt à répondre à la grande question? C'est quoi? Es-tu jaloux? Ah oui. Ment pas, là. Ben, là, on veut la vérité. Ben, je pense un peu parce qu'après ça, elle est sortie avec mon best à l'époque. Ah, ben, ah, ok, mais finalement, la réponse est tu es jaloux et c'est une salope. Ouais, voilà. Ouais. Oh, puis t'avais raison. Oh, il a hésité. Oh, oh. Non, non, non, non. Okay, le non, monde non. est petit, là. Wow. Non, okay, non. Moi le, aussi, j'ai déjà eu des meilleurs... Pour... Non, non. Wow. Moi aussi, j'ai déjà eu des amis de gars qui sont sortis avec mes ex. Bruno. Je les aime, mais c'est quand même des salauds. Bruno, Bruno. Ouais. Lis ta dernière nouvelle, là, oui. pendant la période, j'ai choqué, là. Ah! C'était mon ami! Mais là... oui. Alors, une femme de North Riverside en Illinois a été accusée de maltraitance sur mineur après avoir été arrêtée sur la rue tenant son bébé sous son bras comme un ballon de football et essayant de faire bouger sa poussette, le tout sous l'effet de l'alcool. Oh, tap. Jamie Riley, 27 ans, a affirmé à la police qu'elle avait décidé de célébrer avec son mari le fait que le département des services aux enfants et aux familles ait abandonné leur enquête sur la sécurité de leur fils. Ben voyons! Les ambulations ont transporté le bébé à l'hôpital pour des blessures mineures. Fait que, fait que c'est ça. Fait que voilà. Je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'est passé après. Ils ont célébré encore, mais autre chose. C'est ça. Sacré. Il nous reste 5 minutes pour Danny Daniel puis ton film. Ouais, c'est vrai, toi, t'as la toune Danny Daniel Gabriel. Ouais, ouais. Je pense qu'on pourrait dire merci à tout le monde puis la partir. Merci tout le monde. Merci, Israël. Bien sûr. Merci beaucoup, Bruno. Oui. Benoît Mercier. Yo. Les Mystérieux Étonnants, vous avez un site pis tout, là. Oh ouais, tu viens de le dire. C'est ça. Puis sinon, Predge. Ah, ben, d'abord. Il est étonnant, il parle tout le temps. Lui. Attends, Étienne Forêt. Non, non, c'est moi qui parle pour toi, Étienne. Okay, on il te remercie. On s'en va au brouhaha, on s'en va écouter le mégalon contre Godzilla. Sinon, c'est la foire en fin de semaine. Là. Si là, vous restez à l'extérieur de Montréal puis vous cherchez une place pour faire dodo en fin de semaine, contactez-moi au tommy@commercialdouteux.org. Il y a des solutions. Veux-tu finir ta phrase, Tommy? Je vais finir ta phrase. Merci. C'était Tommy Godette au micro. C'était 70%. On n'est pas là la semaine prochaine. Ça va être Whitefire avec Robert Guinty. Oh, mais vous ne serez pas là non plus parce que vous autres aussi, vous allez être à foire. Bon, ben voilà, c'est dit. Fait qu'on écoute Entre ciel et monde, la nouvelle de Danny Daniel Gabriel. Merci, Danny. Ça nous fait toujours plaisir de passer ses tunes. Puis il va être là le 21 au Téléthon. Avec la pleine lune. On la dédie à tous les amoureux. J'ai voulu de toi tout ce que t'as voulu de moi. C'est fou d'amour, tout ça. Et on se sent mieux, on est si bien là. Entre le ciel et le monde, je m'endors comme un manège, une ronde. C'est un départ. Je me sens libre de vivre quand tu es là auprès de moi, et aussi ton cœur qui vibre tout au fond de toi. Comme ma mère. ronde. C'est un départ entre le ciel et le monde. Je m'endors, mon ange, comme ma neige, une ronde. C'est un départ étrange.